Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 22 janvier, nous souhaitons une bonne fête au Vincent, ça vient du latin signifiant qui triomphe. Il a une forte personnalité qui tente à en imposer tant par son magnétisme que par son apparence réservée, ainsi que son souci de paraître ou d'impressionner. Tour à tour introverti et extraverti, sociable, c'est un homme attachant, charmant, qui a besoin de plaire et d'être aimé, bien que somme toute centré sur lui-même. Souvent courtois, il a du tact, mais il lui arrive de commettre des erreurs. Il est élégant et raffiné et peut-être esthète, à moins qu'il ne se contente d'apprécier les plaisirs de ce monde. La gourmandise est un de ses péchés mignons. Le sentiment prend une place importante dans sa vie et il est souvent marqué en bien ou en mal par sa famille. Vincent ne fuit pas les responsabilités. Sa volonté est forte, même s'il connaît parfois l'hésitation. Lorsqu'il est animé par une motivation, il est capable d'aller jusqu'au bout du parcours qu'il s'était tracé. Exigeant, autoritaire et directif, Vincent est aussi susceptible d'avoir, sous des dehors calmes, des accès de colère lorsque l'on s'oppose à ses désirs ou que l'on fait montre d'iniquité. Orgueilleux, il donne l'impression d'être sûr de lui-même, déteste la médiocrité et les bassesses. Aussi sensible à son image de marque, n'accepte-t-il guère l'échec et fait-il en sorte de se dépasser ou de se surpasser? N'est-il pas le meilleur? Allez, dicton du jour, et il y en a pas mal aujourd'hui, on commence avec celui-ci, à la Saint-Vincent. Sans cesse la pluie et vient le vent. À la Saint-Vincent, les glaçons perdent leurs dents ou les recouvrent pour longtemps. À la Saint-Vincent, le vin monte au sarment. À la Saint-Vincent, l'hiver monte ou descend. À la Saint-Vincent, tout dégèle ou tout fend. Le soleil de la Saint-Vincent fait boire les vignerons jusqu'à leur serpette. Passé la Saint-Vincent, on peut aller tailler. Quand il fait beau à la Saint-Vincent, les vignerons sont toujours contents. Saint-Vincent, clair et beau, autant de vin que d'eau. Ou encore, si le jour de la Saint-Vincent, le soleil, lui, comme un chapeau, on aura du vin plein le tonneau. Célébration internationale aujourd'hui en Allemagne et en France, c'est la journée franco-allemande. En Espagne, à Valence, ce sont les festivités de la Saint-Vincent. À Saint-Vincent et les Grenadines, c'est la fête nationale de la Saint-Vincent. Et en Ukraine, on fête la journée de l'unification. Dans les événements qui se sont déroulés un 22 janvier, en 1851 avait lieu la création d'une loi en France prévoyant l'assistance judiciaire permettant à toute personne sans ressources d'obtenir un défenseur sans frais. 1980, la série américaine Dallas faisait son entrée sur les écrans français. Et en 1986, c'était la sortie en France du film Rocky IV de et avec Sylvester Stallone. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec le groupe Journey et leur titre Don't Stop Believin'. Heaven is defined in motion. Don't Stop Believing du groupe Journée sur RGM. Presque 8h38, on fait un point sur tous ceux qui sont nés un 22 janvier 1949. Naissance de Steve Perry, chanteur américain du groupe Journée, entre 1978 et 1987 et entre 96 et 98. 1959, naissance de Linda Blair, actrice américaine connue pour son rôle de Regan McNeil dans L'Exorciste 1 et 2, vue dans les séries télé La Croisière s'amuse, Arabesque, MacGyver ou encore Supernatural. 1962, naissance d'Isabelle Nanty, actrice française vue dans Tati Daniel, Les Visiteurs dans le rôle de Fabienne Morlot, La Folie Douce, Le Bonheur est dans le Pré, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Astérix Obélix Mission Cléopâtre dans le rôle d'Itinéris, 3-0, Disco, Agathe Cléry, Incognito, Les Tuches 1, 2 et 3 dans le rôle de Cathy Tuche, Les Profs ainsi que la suite The Prof 2 dans le rôle de Gladys, la prof d'anglais. Vue également à la télévision dans la série Fais pas ci, fais pas ça dans le rôle de Christiane Potin ou encore dans la série Munch dans le rôle de Gabriel Munchkowski. 1965, naissance de Steven Adler, musicien américain qui fut le premier batteur des Guns N' Roses entre 1985 et 1990 et on écoute justement un extrait de leur titre intitulé Sweet Child O' Mine. Voilà pour l'extrait des Guns N' Roses. On continue les anniversaires et on va rester en 1965 avec la naissance de Diane Lane, actrice américaine, vue dans Outsiders de Francis Ford Coppola dans le rôle de Sherry Valence, dans Cotton Club également de Coppola dans le rôle de Vera Cicero et vue également dans Man of Steel, Batman vs Superman, l'aube de la justice ainsi que Justice League dans le rôle de Martha Kent et vue dans la saison 6 de la série House of Cards dans le rôle d'Annette Shepherd. 1968, naissance de Franck Leboeuf, ancien footballeur français ayant fait carrière de 1988 à 2005 en jouant au Stade Levallois, à Strasbourg, à Chelsea, à Marseille, au club d'Al-Sadd et au club de Al-Wakra. Et avec l'équipe de France, il a gagné la Coupe du Monde 98, le Championnat d'Europe en 2000 et la Coupe des Confédérations en 2001. Depuis l'arrêt de sa carrière sportive, il est devenu acteur aussi bien au cinéma, à la télévision qu'au théâtre. Et à la télé, justement, on a pu le voir dans Nos Chats Voisins, Camping Paradis ou encore Scène de Ménage. 1972, naissance de Cédric Liard, cavalier français, champion olympique en équitation au concours complet au JO de 2004. 1975, naissance de Balthazar Getty, acteur américain vu dans Young Guns 2, Lost Highway, les séries Charmed, Alias, Brothers and Sisters dans le rôle de Tommy Walker ou encore Hawaii 5-0. 1981, naissance de Beverly Mitchell, actrice américaine vue au cinéma dans Saw 2. À la télé dans les séries Melrose Place, Alerte à Malibu, C'est à la maison bien sûr dans le rôle de Lucy Camden et La vie secrète d'une ado ordinaire dans le rôle de Caitlin O'Malley. 1990, naissance d'Alizé Cornet, joueuse de tennis française professionnelle depuis 2006. Elle a été 11e mondiale, c'était en 2009. 8e de finaliste à l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon. 16e de finaliste à l'US Open. En Fed Cup, elle a été finaliste avec l'équipe de France en 2016. Elle a remporté une Hopman

Alors, ce matin, il y a des nuages et je vais vous dire la même chose qu'hier. Ceux-ci vont se dissiper pour laisser paraître le soleil qui devrait être parmi nous aujourd'hui, même si je vous l'avoue, hier, personnellement, je n'ai pas vu le soleil de la journée, mais bon, on ne sait jamais. Espérons que celui-ci vienne nous dire bonjour aujourd'hui avant que la neige n'arrive en fin de soirée et pour cette nuit. Avec des températures ce matin comprises entre moins 2 et moins 1 degré, et cet après-midi, eh bien, ce sera entre 0 et 1 petit degré. Pour mercredi, en tout début de matinée, on aura une petite accalmie, mais la neige fera vite son retour en matinée et sera parmi nous tout au long de cette journée. Donc demain, soyez très vigilants sur les routes. Hein. Demain matin, des températures comprises entre moins 2 et moins 1 degré, entre 0 et 1 degré prévu pour demain après-midi. Et jeudi, on passera la journée sous les nuages, des températures comprises entre moins 3 et moins 2 degrés le matin, et entre moins 1 et 0 degrés prévu pour jeudi après-midi. Allez, on file tout de suite vers l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le tennis et l'Open d'Australie et les résultats d'hier. Côté messieurs, la qualification de Lucas Pouille en 4-7 face à Coric, 6-7, 6-4, 7-5, 7-6. Djokovic s'est qualifié en 4-7 face à Medvedev, 6-4, 6-7, 6-3. Et Nishikori s'est qualifié en 5-7 face à Karen Obusta, 6-7, 4-6, 7-6, 6-4, 7-6. Et aujourd'hui, Tsitsipas s'est qualifié en 4-7 face à Bautista Agut, 7-5, 4-6, 6-4, 7-6. Décidément, on ne l'arrête plus, ce grec. Et plus tard aujourd'hui, Rafael Nadal affrontera Tiafoe. Et côté féminin, à noter l'élimination de la numéro 1 mondiale, Simona Halep, qui s'est inclinée hier en 3-7 face à Serena Williams, 6-1, 4-6, 6-4. Il y a quelques instants, c'est Collins qui s'est qualifiée en 3-7 face à Pavluchenkova, 2-6, 7-5, 6-1. Dans quelques minutes, Kvitova affrontera Barty. Et à noter qu'en double féminin, la française Mladenovic en duo avec Babos, eh bien, elles se sont qualifiées pour les demi-finales. Un mot de basket maintenant avec en NBA, la défaite de l'Utah Jazz de Rudy Gobert à 10 points et 13 rebonds, 104 à 109 face à Portland. Du côté de chez nous, Nancy se déplace à Sorgues ce soir pour les 16e de finale de la Coupe de France. Un mot de football maintenant avec les 16e de finale de la Coupe de France également, où Nancy reçoit Guingamp. Metz se déplace à Monaco. Il y aura Toulouse face à Reims et Lille qui se déplace à 7. Et du côté de Marseille, on apprend que Dimitri Payet, touché au genou, sera indisponible 3 semaines. Et du côté du FC Barcelone, c'est Ousmane Dembélé qui va être absent, lui, une quinzaine de jours. Blessé dimanche, il souffre d'une entorse à la cheville. Et on termine avec du handball, messieurs, et le mondial. La France, qui n'a pas encore joué contre la Croatie, mais qui est déjà qualifiée pour les demi-finales du mondial avec la victoire hier soir de l'Allemagne sur la Croatie. Mais il faut maintenant déterminer qui terminera en tête de ce groupe. Il ne faut donc rien lâcher pour les Bleus qui, je vous le rappelle, affronteront donc la Croatie. Ce sera demain soir. Voilà pour l'actualité sportive. On marque tout de suite une dernière pause musicale avec les Négresses Vertes et le titre Sous le soleil de Bodega. Sacré bestiole cancrola, fais un pacte ligotola, au gré du vent, du haut du mât, c'est un rat de marée que voilà. N'hésitons pas, ils sont là. La, la, la, la, la. Elle s'en aura quel débarras, car avant de fête, tout fait savoir. Une tempête va déferler sur la mer boire de vos dégâts. Tonnerre de Dieu, c'est une isosse.